Toujours en Corée du Sud, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a publié le 12 une déclaration contre la politique des autorités hostiles aux travailleurs.